Chapitre 271. L'interdiction d'espionner et d'écouter celui qui ne souhaite pas être entendu. Allah Ta'ala dit: et ne vous espionnez pas. Sourate 49, verset 12. Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes, sans qu'ils l'aient mérité, se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Sourate 33, verset 58. 1570. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: méfiez-vous de la suspicion, car rien n'est plus trompeur que les soupçons. Ne prêtez pas l'oreille aux rumeurs et ne cherchez pas à espionner les autres. Ne vous concurrencez pas les uns les autres et ne vous enviez pas. Ne vous haïssez pas et ne vous détournez pas les uns des autres et soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères, comme il vous l'a ordonné. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Ne l'abandonne pas au moment où il a le plus besoin de lui et ne le méprise pas. La piété est ici, ajouta-t-il en indiquant sa poitrine, son cœur. Il suffit à l'homme, pour commettre un mal, de mépriser son frère musulman. Tout chez le musulman est sacré pour les autres musulmans. Son sang, son honneur et ses biens. Allah ne regarde ni vos corps, ni votre apparence, mais vos cœurs et vos actes. Dans une autre version, ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas, ne vous espionnez pas, ne prêtez pas l'oreille aux rumeurs et ne cherchez pas à espionner les autres. Ne faites pas monter artificiellement les enchères ou les prix au détriment des autres acheteurs. Et soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères. Dans une autre version, ne rompez pas vos liens, ne vous détournez pas les uns des autres, ne vous haïssez pas, ne vous enviez pas et soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères. Dans une autre version encore, ne vous fuyez pas les uns les autres et ne convoitez pas les clients des autres en leur proposant un meilleur prix après que la vente a été conclue. Muslim et Al-Bukhari pour la plupart de ces versions. 1571. Mu'awiyah, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: si tu cherches à découvrir les défauts et les vices des musulmans, tu les pervertiras, ou tu risques de les pervertir. Abu Daoud. 1572. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte qu'on lui amena un homme en lui disant: la barbe de celui-ci dégoûte de vin. Ibn Mas'ud dit: on nous a interdit d'espionner les gens, mais si l'on constate quelque chose, nous agissons en conséquence. Abu Daoud.